L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Alors, Valérie, Olivia, bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes deux femmes entrepreneuses qui avaient décidé finalement de travailler autour des plantes. Comment ça vous est venu ? Alors, on s'est rencontrées par hasard lors d'une balade botanique que j'organisais sur les Barthes de l'Adour. C'est Olivia qui est venue vers moi et qui m'a proposé de monter des ateliers autour de l'herboristerie, comment reconnaître les plantes et s'en servir. Disons que moi, non, des connaissances des plantes, j'en avais pas vraiment parce que j'étais précisément à la recherche de ça, de trouver une formation à l'herboristerie locale. C'était ça qui était important pour moi. J'avais envie de connaître les plantes qui poussent autour de chez nous, sauvages, et qu'on ne connaît pas. Et donc, je suis allée à une conférence et une balade, effectivement, organisée par Valérie. Je cherchais la personne qui pourrait faire cette formation. Et ensuite, je lui ai proposé de monter ce projet-là ensemble, vu qu'elle, elle est herboriste, de manière à proposer une formation qui pouvait intéresser plusieurs personnes, qui était savoir reconnaître, collecter et utiliser en les transformant à peu près une trentaine de plantes sauvages qui poussent autour de chez nous. Donc moi, je n'avais pas les qualifications, mais j'avais l'envie, et elle avait les qualifications. D'accord. Et alors, comment on devient, au XXIe siècle, herboriste ? C'est pas un vieux métier presque oublié ? Oui, c'est un vieux métier. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme qui donne le droit à certaines personnes d'exercer le métier d'herboriste. Mais il y a des formations qui sont dispensées par des associations au niveau national. Il y a 5 grandes écoles qui dispensent des formations de phytologues herboristes. Donc moi, je me suis formée à l'herboristerie il y a à peu près 10 ans. Après, je travaille avec les plantes et je suis naturaliste dans l'âme, dans le sens où j'ai exercé un métier de gestionnaire d'espaces naturels pendant 13 ans. Et après, j'ai basculé dans l'enseignement. Voilà, je suis enseignante en lycée agricole. Et donc, en parallèle, je me suis formée à l'herboristerie pour acquérir justement le savoir comment, pourquoi et comment utiliser les plantes sauvages. Oui, parce que finalement, gestionnaire d'un espace naturel, ça veut dire que vous avez connaissance des lieux, des biotopes, en fait, suivant que ça va être une prairie, une forêt. Vous savez à peu près sur quelles plantes vous pourriez tomber, déjà. Oui, tout à fait. En fonction des milieux, il y a des cortèges floristiques qui, à chaque milieu, qui sont associés. Donc oui, en fonction des milieux, potentiellement, on sait sur quelles plantes on est susceptible de tomber. Après, bon, il y a des... C'est pas évident de tomber à chaque fois sur toutes les espèces que l'on souhaite trouver, mais il y a une potentialité de présence. Oui. C'est un peu comme pour les champignons. Ouais. C'est un peu comme les champignons, sauf que les champignons, je pense que c'est un peu plus compliqué, puisque pour qu'ils puissent se développer, il faut d'autres paramètres. Voilà. Alors que les plantes, une fois qu'elles se sentent bien, elles se développent et elles appellent d'autres espèces avec qui elles ont l'habitude de pousser. Par exemple, pour le milieu aquatique, il y a ce qu'on appelle les plantes pionnières qui vont d'abord s'installer et après elles vont rendre possible l'installation d'autres plantes. L'objectif, c'est de se soigner avec les plantes ? Alors, l'objectif, c'est déjà de connaître et de reconnaître la flore locale pour éventuellement pouvoir les utiliser. Et l'idée, c'est d'apprendre donc aux personnes qui suivent les ateliers les techniques de reconnaissance des végétaux pour qu'ils deviennent petit à petit autonomes, voilà, dans l'utilisation de ces plantes. Oui, on peut prendre l'exemple de la scrofulaire, par exemple, qui est une plante locale qu'on trouve de manière assez abondante. Hein. En fait, les gens ne la connaissent pas. Par contre, tout le monde a entendu parler de l'arpagophytum. Quand on a des problèmes de rhumatisme, c'est parce que vous êtes bien trop jeune pour en avoir. Les gens qui s'intéressent un peu aux médecines naturelles, etc., l'arpagophytum, c'est la plante des arthrites, arthroses, rhumatismes, etc. Et en fait, on a son équivalent ici qui s'appelle la scrofulaire. Donc si on sait la reconnaître et la transformer en teinture mère ou en huile de macération solaire, etc., bah, du coup, on peut utiliser une plante locale. Il y a l'immortel aussi, par exemple, que l'on trouve, qui est une plante assez onéreuse et qu'on trouve ici sous la forme de l'hélichryse et qui pousse dans les dunes en abondance dans certains milieux. Dans d'autres milieux, elle est plus rare et protégée, je crois. Hein. Oui, oui. Voilà. Mais dans certains milieux, elle est tout à fait. On peut la collecter en quantité, bien entendu, raisonnable. Et justement, c'est ce qu'on apprend dans la formation avec Valérie aussi. C'est-à-dire que c'est pas tout de savoir reconnaître la plante. Il faut toujours préserver le milieu dans lequel elle se trouve. Donc, si on se promène quelque part, on voit deux plants d'hélichryse ou deux plants d'ail des ours, hors de question de les collecter. Mais si on le trouve en abondance et qu'on en fait une collecte personnelle, voilà, c'est une façon responsable aussi de collecter les plantes. On apprend ça dans la formation. Mais donc, pour en revenir à l'immortel, l'hélichryse, on en trouve beaucoup dans la région. Et voilà, donc il y a des plantes qu'on peut utiliser avec des ressources locales au lieu d'utiliser des plantes déjà transformées et qui viennent de la France ou même de l'étranger, quoi. Les ateliers, l'idée, c'est de devenir responsable et de se poser des vraies questions sur sa santé. Alors, pas besoin d'aller acheter des plantes hors de prix, hein, parce que souvent, le marché des plantes est immense aujourd'hui, et acheter ne serait-ce qu'un... pas des gélules, ça revient cher, quoi. Et bon, ça veut dire que tout le monde est capable, s'il en a la volonté, de se soigner. Aller vers les plantes, c'est engager, on va dire, s'engager vers un processus de connaissance, et on change du coup la vision qu'on a des plantes, on va dire, communes que l'on trouve, ne serait-ce qu'en sortant de chez soi, quoi. Ça sert aussi à valoriser ces plantes aujourd'hui la plupart des gens ne savent pas nommer. Le simple fait de nommer une plante ou de réapprendre à connaître son nom, dès lors cette plante, elle reprend de la valeur, me semble. Ce qu'on appelle les mauvaises herbes, en fait. Voilà, les mauvaises herbes entre guillemets, c'est les plantes qui ont été on va dire pour la plupart qui ont été utilisées depuis des millénaires pour se soigner. Aujourd'hui, pourquoi ne pas les réhabiliter on les a détruits pendant des années. Maintenant, avec les nouvelles réglementations, la loi les zéro pesticides, zéro phyto, on va dire qu'elles vont peut-être reprendre de la valeur aux yeux des personnes. Et c'est vrai que par le biais d'Amaloura, on aimerait donc réhabiliter ces plantes. Voilà. Amaloura, c'est né donc d'un désir commun. En fait, on s'est retrouvés en ayant des formations différentes avec un désir commun. Moi, au départ, je suis anthropologue. Valérie, dans ses cours, il y a des cours d'ethnobotanique. Donc déjà, là, ça a matché assez rapidement. Tout à l'heure, par exemple, quand elle parlait des milieux dans lesquels une plante va être première et qu'ensuite, elle va permettre l'installation d'autres plantes, c'est ça qui nous a semblé intéressant, c'est qu'en fait, la nature, elle fonctionne de manière systémique, tout comme l'homme en société fonctionne aussi de manière systémique. Et en fait, on a été intéressé par cette complémentarité qu'on avait dans nos formations et ce souhait qu'on avait dans notre vie quotidienne, individuelle, associative, militante, etc., qui était de replacer l'homme, de conserver quelque part la prépondérance de l'homme, mais au sein de son environnement. Aujourd'hui, dans les discours de préservation de l'environnement, souvent on entend... il faut sauver la planète, etc. La planète, en fait, si demain l'homme disparaît, la planète, elle va continuer d'exister sous une autre forme, mais c'est pas tellement la planète qu'il faut sauver, c'est l'homme. Enfin, si on veut que l'humain continue de pouvoir exister sur la Terre, il faut être effectivement respectueux de son environnement. Donc nous, dans notre idée, c'était de partir de l'homme, mais d'avoir une vision respectueuse de l'homme dans son environnement, qui respecte les deux parties. Donc en fait, on s'est retrouvé sur une vision un peu sur un barbarisme qu'on a, ou un néologisme qu'on a construit de anthropo-écologue. Allez, donc les projets qu'on a montés, le projet Amalura, il est à la fois de créer nous, mais aussi de participer, soutenir, parrainer divers projets transdisciplinaires, en fait, qui auraient tous cette volonté de conserver la place de l'homme dans un environnement éco-responsable, des projets éco-responsables, en fait, en quelque sorte. Donc, en fait, on s'agrège différents métiers de manière à pouvoir répondre donc à des projets transdisciplinaires. Mais c'est très varié. Ça peut être autant, bon, évidemment, l'environnement avec des paysagistes ou des agriculteurs, mais ça peut être aussi un environnement autour, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais du travail ou des sciences humaines, de l'éducation, de la santé, de l'architecture. Et donc les projets, en fait, c'est qu'à un moment donné, on puisse, en complémentarité avec d'autres métiers, proposer des actions qui vont permettre une intégration harmonieuse de l'homme dans son environnement. On pourrait, en s'appuyant sur aujourd'hui la réglementation zéro phyto, proposer nos services pour créer des sentiers botaniques visant à valoriser ou à ces mauvaises herbes pour sous forme de petits panneaux ou même sous forme d'applications ou de petits livrets, à expliquer le rôle de ces plantes dans la médecine populaire ou en ethnobotanique pour tout ce qui est autre usage, quoi, hein. Toutes les plantes que l'on trouve de façon en sortant de chez soi, elles ont une utilité et qui aujourd'hui a été oubliée, voilà, et qui n'est plus enseignée. Alors, une utilité pour l'homme ou alors une utilité en soi au niveau de l'écosystème global? Alors, elles ont une utilité, bien sûr, pour l'écosystème. Hein. Si une plante, elle ne pousse pas au hasard. Donc, si elle pousse, c'est qu'elle trouve sa place dans le milieu. Et elle a forcément une utilité. Alors, soit elle va épurer un sol, soit elle va détoxifier un sol des différentes pollutions ou autres. Mais bien sûr, c'est ces utilités-là, on va les retrouver dans leurs principes actifs. Une plante qui est dépurative des sols, elle va forcément être dépurative de détox pour l'organisme humain ou animal. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser souvent, c'est de se dire, effectivement, donc il y a de plus en plus de ce qu'on peut appeler des mauvaises herbes, enfin des herbes sauvages qui poussent dans les rues, étant donné qu'on met de moins en moins, voire plus du tout de pesticides, hein, normalement. Et du coup, on voit bien ce dont vous parlez, se dire, tiens, ces plantes-là, on pourrait se soigner avec. Mais la question qu'on se pose, c'est, on est quand même, il faut faire peut-être attention à où est-ce qu'on récolte ces plantes si après c'est pour s'en servir, parce qu'elles auraient pu capturer aussi des polluants liés aux hydrocarbures, aux pollutions des voitures, etc. Alors bien sûr, les plantes que l'on va voir en ville, on va pas les utiliser pour sa consommation personnelle, mais je trouve qu'il est important d'en parler ou de les montrer, de manière à ce que les gens se sentent concernés par le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas les utiliser parce qu'il y a de la pollution. Il y a des zones, dès lors qu'on commence à utiliser les plantes, on se pose la question de, est-ce que pour moi, est-ce que si je l'utilise pour ma santé, est-ce que c'est un milieu de vie approprié? Est-ce que c'est une zone de collecte sur laquelle je peux prélever la plante? Quand on a cette dynamique de vouloir se soigner avec les plantes ou les consommer, hein, parce qu'il y a des plantes, de très nombreuses plantes comestibles, on pose un regard qui est différent sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on apprend à pointer du doigt, mais ça c'est pas bon, ça effectivement c'est une zone polluée, on va pas pouvoir prélever la plante. Mais la plante est liée, une plante elle va pas se développer si elle ne trouve pas les éléments nécessaires à son développement. Elle poussera pas sinon. Donc si elle est présente dans un site donné, c'est qu'elle a une action directe sur l'environnement. Et souvent, il y a des rôles de dépollution qui s'observe justement par la présence de telle ou telle plante. Donc là, concrètement, vous pouvez nous parler des premiers projets sur lesquels vous êtes en train de vous lancer ? Alors concrètement, là, sur les projets qui sont en cours, bon, évidemment, on va réitérer la formation complète et les ateliers d'herboristerie sauvage, vu que c'est ce qui nous a réunis au départ. Ensuite, comme le disait Valérie précédemment, on est en train d'élaborer une offre à destination des communes dans l'idée de revaloriser les plantes sauvages, notamment avec toutes les volontés des communes, y compris les petites communes, de passer à des processus de gestion différenciée et de gestion raisonnée. En fait, la gestion différenciée, c'est on définit des zones qui vont avoir des fonctions et du coup des nécessités d'entretien diverses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des zones qui vont être, je ne sais pas, les tours d'école, les mairies, qui vont être fleuries, par exemple, avec des fleurs qui sont de plus en plus, on essaie d'avoir des espèces qui sont pérennes, mais parfois des fleurs qui ne vont pas être systématiquement pérennes. Donc là, en compensation, par exemple, il va y avoir des systèmes de paillage ou d'arrosage goutte à goutte pour ne pas trop arroser. C'est une démarche globale, en fait, hein, la gestion différenciée, c'est les pesticides, mais aussi trouver les espèces de plantes adaptées au milieu, réduire l'arrosage, favoriser le paillage, etc. Donc en fait, ce zonage fait que, en fonction des endroits, on va avoir des soins plus réguliers ou des soins moins réguliers. Et c'est ainsi qu'on peut arriver carrément à des zones de friche ou de jachère fleurie. C'est pas un manque d'entretien de la mairie, c'est une décision. Et du coup, c'est vrai que dans ces cas-là, il faut une démarche pédagogique envers la population pour expliquer. Alors certaines communes mettent des panneaux. Ici, la mairie a décidé de ne plus faucher et elle explique pourquoi. Donc nous, on a envie de s'inscrire là-dedans aussi, dans cet espace pédagogique-là, à destination des adultes, en partenariat avec les municipalités. Ça, c'est un type de projet. Et après, vous proposez aussi, et ça me paraît assez nouveau, des accompagnements au niveau des entreprises. Alors oui, effectivement, les personnes ont de plus en plus besoin de se reconnecter à la nature. Donc l'idée, peut-être, ce serait d'aménager des espaces intérieurs, de les végétaliser sous forme de murs végétaux, de manière à apporter des plantes que l'on n'a pas l'habitude de trouver, soit des plantes comestibles, soit des plantes dépolluantes ou autres, justement pour apporter un plus. En entreprise, on a également un autre projet sur lequel on a vraiment commencé à travailler avec des contacts qui sont lancés. C'est ton projet de proposer des formations ou des séminaires verts à destination des entreprises. Le but des balades botaniques, ça va être de faire sortir les gens dans la nature, de les reconnecter à la nature, qui sentent vraiment toute cette énergie. Mais là, on ne parle pas d'énergie de manière ésotérique, hein, on parle de manière tout à fait scientifique et pratique. Mais cette balade, elle va aussi avoir un fonctionnement plus entrepreneurial. C'est-à-dire que quand Valérie expliquait tout à l'heure l'association des plantes dans leur milieu, on revient à ce terme de systémie, c'est-à-dire pourquoi tel type de plante va pousser au pied de tel type d'arbre. Parce qu'en fait, elles se complètent, elles travaillent ensemble et ensemble, elles permettent que. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans une entreprise, dans une équipe. C'est grâce à l'interdisciplinarité et au travail d'équipe que des projets sont possibles. Donc il y a cette idée, en fait, de montrer que la fonction naturelle systémique de la nature, elle est très proche de la fonction systémique de l'entreprise. Voilà. Un coquelicot bien établi, mais sous le signe de la baroquerie, se plaint un jour de voir tomber toutes ses graines sur ses pieds. Les fleurs aussi rêvent d'étoiles. Si je pouvais, je mettrais les voiles. Voler, je sais, des pissenlits, chier doctoresse à des moqueries. Seulement la lune n'y compte pas, le vent choisit seul où il va. Et comme personne ne pousse en l'air, si je pouvais, j'irais sous terre. Violet d'Imir, mes cocories, comprenez à dos de fourmis. C'est sûr, on s'enfonce de suite, mais les fourmis creusent bien trop vite. comme les fleurs pointent vers le ciel. Je préférais un dos d'hirondelle. Faut pas s'emballer, dit Merisier. En doso, au coris, c'est mon métier. Les oiseaux prennent mes noyaux, mais dans leur cul, jamais sur leur dos. Comme personne n'aime le caca, si je pouvais, je laverais tout ça. La la la la la la la la la. Bon alors, on va voir les plantes juste en bas de chez vous, ici, donc dans le petit Bayonne. Oui. Donc des cours intérieurs comme ça là, par exemple, vous pourriez les... Ouais, on pourrait les végétaliser pour les rendre un peu plus agréables et pourquoi pas mettre une petite terrasse avec quelques aménagements, histoire que les personnes se posent en revenant du boulot ou autre, quoi. Ouais, mettre un peu de verdure dans ces milieux un petit peu urbains, quoi. Voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, la nature reprend le dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes municipales n'utilisent plus de pesticides. Et on voit petit à petit une colonisation de certains végétaux le long des murs, donc sur des zones un petit peu humides. Donc là, c'est des fougères essentiellement. Là-bas, on peut observer donc scolopendre. Alors, c'est la langue de cerf. C'est des plantes que l'on peut utiliser ou que l'on achète en jardinerie, que l'on va mettre plutôt dans les salles de bain, parce qu'elles ont besoin de ce milieu humide. Et on le voit, donc c'est essentiellement humide. Elles ont besoin pour vivre et également pour leur reproduction. Alors on va essayer d'en trouver d'autres. Alors, à certaines périodes de l'année, on voit au printemps, souvent on en voit, là on est en fin de saison. Certains ont été arrachés parce que même s'il n'y a pas d'utilisation de pesticides, les mauvaises herbes continuent à être arrachées. La verdure, alors est-ce que ça fait peur ou autre, mais la verdure, on va dire, dans des milieux très urbanisés, même si elle pousse dans les petites commissures, on les arrache. Ça fait vilain. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc on va traverser. On va aller au niveau des pavés. Donc une première espèce que l'on va trouver ici, c'est le pourpier. Le pourpier, c'est une plante plutôt d'origine du sud-est ou de la région méditerranéenne. C'est une plante qui fait partie du régime crétois. On utilise une plante comestible par excellence et au sud on la consomme en salade. Très riche en oméga 3, en vitamine C. Bon là vous comprendrez bien qu'on ne va pas pouvoir la récolter puisqu'on est en zone sur des pavés à proximité directe d'un parking. Par contre c'est intéressant de voir qu'elle réussit à pousser et que malgré toutes ces contraintes, et c'est parce qu'il y a des contraintes hydriques, d'ensoleillement assez important, qu'elle pousse ici. Le pourpier, il n'aime pas, il aime avoir chaud. Il pousse dans des milieux un petit peu, pas arides, mais un peu secs. Ici, nous avons donc le pissenlit, classique. Le pissenlit, c'est connu pour ses salades de pissenlit, on est bien d'accord. Et la confiture C'est une espèce qui pousse, qui aime bien pousser à côté de l'homme, plante compagne. On a également le laiteron, le grand plantain. Donc le plantain également, donc il existe plusieurs espèces. Localement, on peut en trouver au moins 5. Celui-ci pousse en abondance. C'est une plante comestible. Et c'est une plante qui est utilisée en médecine populaire depuis des milliers d'années. Donc anti-toussif et aussi anti-allergique. hein, puisqu'il contient des histaminiques naturels qui en font un bon remède contre le rhume des foins ou autres allergies. Alors ici, on a une espèce, c'est un érodium qui est consommable également en jeune, quand c'est des jeunes pousses. C'est la même famille que les géraniums. Nous avons ici de l'armoise commune, donc la fameuse, très odorante, voilà, qui ont utilisé en condiment. Mais également, vous voyez là, elle a été fauchée, elle est contrainte par le fauchage, mais c'est une plante, la plante des femmes, donc anti-saignement, et aussi également, elle aide à équilibrer, on va dire, ou à régulariser les cycles. Alors ici, on a le lotier l'oxalis corniculé. Alors, particularité, c'est que ces folioles sont en forme de cœur parfait. Mais c'est une plante qui contient de l'acide oxalique, acidulé, à consommer avec modération, mais qui peut apporter dans les salades une petite pointe d'acidité assez intéressante. Également consommable. Alors ici, c'est la pariétaire officinale. Donc ça fait partie de la famille des orties. C'est une plante qui est connue depuis l'Antiquité pour... C'est plutôt une plante associée à l'homme. C'est une plante diurétique. Qu'est-ce qu'on trouve? Vous avez également la menthe sauvage, ici, Manta graveolens, qu'on appelle le baume des prés. Donc, utilisable, donc voilà, c'est une plante qui est tonique, antispasmodique, qui est utilisée depuis, voilà, traditionnellement, qui peut être utilisée comme toutes les autres menthes en infusion ou en ciselée dans les salades. C'est pas la meilleure des menthes, on va dire, locales, en termes de goût. Après, c'est une question de... très subjectif, c'est ce que je vous dis. On a la pâquerette, également, Bélis perennis. Elle aussi, hein. Plante comestible par l'excellente, la plante des femmes. On va l'utiliser plutôt, donc soit consommer les jeunes feuilles, consommées en salade, ou sinon en huile de macération pour raffermir les seins. Voilà, ou le buste. Donc, pareil, hein, toujours la pariétaire. Ah oui, là, ça, c'est la cymbalaire des murailles. Scrofulaire, donc elle, au printemps, c'est une des meilleures, en mon sens, meilleures salades sauvages, très riche en vitamine C. On en trouve dans tous les vieux murs. Et donc, c'est vrai qu'en milieu urbain, c'est une plante qui est très commune. Elle fait de magnifiques fleurs violettes. Notre fougère, la capillaire. La cymbalaire, voilà, on la trouve fleurie là-bas. La voici, c'est une magnifique petite plante fleurie. Donc traditionnellement, voilà, tout se mange dans cette plante. Les feuilles, les fleurs. Et ça peut, on va dire, améliorer ou, on va dire, dynamiser une salade de laitue. Voilà. Voilà, donc comme quoi on trouve beaucoup de choses dans la rue. Voilà, oui, toutes les plantes là, alors on est en fin de saison, hein, donc on peut trouver une plus grande diversité au printemps ou en été. Là, on est en fin de cycle végétatif, c'est-à-dire que certaines plantes ont disparu, mais restent en vie sous forme de graines, réapparaîtront l'année prochaine. Donc c'est des sites qui sont... bien malgré l'homme, on va dire, encore colonisé par la végétation spontanée, et heureusement. Et la flore est présente depuis, accompagne l'homme depuis des millénaires, et je pense que la flore accompagnera l'homme encore pendant un petit bout de temps. C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet.